Mr. Kaoula, tu veux mettre du sable dans mon attique et tu as joué bidé. Et tous ceux qui ont essayé aujourd'hui veulent se rallier. Mon gars, réfléchis bien, sinon Turbo va te gifler. Et si tu plafonds, qu'est-ce que à Tito faut laisser ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai trop taffé pour ça. Jalousie là va te tuer. À Tito faut laisser ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai trop taffé pour ça. Jalousie là va te tuer. Tu parles de Dieu, mais tu n'es pas prêt, prêt. Tu traques les petites, mais tu n'es pas prêt, prêt. C'est toi qui veux Niaga, mais tu n'es pas prêt, prêt. Le boss t'a ébéi, toi tu n'as pas que Les lilés. Je ne suis pas venu jouer, c'est pas ma faute, je suis doué. Tous les regards sur nous, les jaloux ont l'estomac noué. Rasta Bogota, on s'en fout des combos ça. Mon gars te fatigue pas, on sait que tu nous aimes pas. Qui te laisse? Ça, c'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai trop taffé pour ça. Jalousie là va te tuer. A Tito faut laisser ça. C'est Dieu qui m'a donné ça. J'ai trop taffé pour ça. Jalousie là va te tuer. Tu parles de Dieu, mais tu n'es pas prêt, prêt. Tu traques les petites, mais tu n'es pas prêt, prêt. C'est toi qui veux Niaga, mais tu n'es pas prêt, prêt. Le boss t'a ébéi, toi tu n'as pas que Les lilés. Ama Jalope. Tu parles de Dieu, mais tu n'es pas prêt, prêt. Tu traques les petites, mais tu n'es pas prêt, prêt. C'est toi qui veux Niaga, mais tu n'es pas prêt, prêt. Le boss t'a ébéi, toi tu n'as pas que On va rentrer à la maison. On laisse tout ça là.